des grands feuilletons de France Culture. Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Bon, maintenant, messieurs, j'aimerais jeter un coup d'œil sur ces traces de pas, là, sous la fenêtre du vestibule. Alors, voyons un peu ça. Je sais pas ce que vous avez dans la tête, mon jeune monsieur. Mais bête comme je suis. Je me dis que des traces de pas, c'est des traces de pas. Faut pas chercher autre chose, non ? Père Jacques, vous avez raison, mais il y a aussi traces de pas et traces de pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, ben, si vous le prenez comme ça, il n'y a plus rien à dire. Ah, mais il n'y a aucun doute. Ce sont exactement les mêmes traces que dans la chambre jaune. Monsieur Darzac ! Monsieur Darzac ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Walter, le domestique du château. Ah. Voulez-vous m'excuser, monsieur, mais... Mais quoi, Walter ? Le juge d'instruction, monsieur de Marquette, est chez mademoiselle. Il va l'interroger. Mm-hmm. J'ai pris sur moi de venir prévenir, monsieur. Mathilde est sauvée, Dieu soit loué. Merci, Walter. Je pense que vous voudrez bien m'excuser, messieurs, mais le juge va interroger Mathilde, alors n'est-ce pas ? Je vous verrai plus tard. Vous venez, Walter ? Oui, monsieur. Pauvre mademoiselle. Ah, je vous jure, si je tenais le foutu monstre qui l'a mise dans cet étal, ah, je vous promets que je suis encore assez solide pour lui tailler les oreilles en pointe. Moi, je ne vous promets pas ce genre de divertissement, Père Jacques, mais patience, patience. Oh, parce que vous y croyez, vous. Ah, c'est quand même beau, la jeunesse, hein, Dieu. Hey, Joseph, si le cadavre commence à faire des déclarations, ça peut être diablement intéressant. Oui, je comprends. Bon. Nous allons au château. Mm-hmm. Père Jacques, vous êtes gentil, vous gardez le pavillon. À vos ordres, monsieur Rouletabille. Parfait. Pendant ce temps-là, nous allons pêcher quelques renseignements, monsieur Sinclair et moi. Je suis désolé, messieurs, mais la consigne, c'est la consigne. Personne au premier étage. Mais voyons, gendarme, c'est une gigantesque erreur. Nous sommes attendus. Monsieur Darzac nous a prié de le rejoindre. Eh oui, mais seulement à moi, il n'a rien dit. Et moi, j'ai reçu l'ordre de laisser monter personne. Oui, non, mais cette consigne ne s'applique pas à nous, gendarme. Vous voyez bien que nous sommes dans le château, malgré l'interdiction formelle. Je vois rien du tout. C'est pas mon affaire, tout ça. Les ordres, c'est les ordres. Alors, vous attendez là. Ah, vous pouvez vous asseoir. Mais ici. Bon. Dites-moi, savez-vous qui en ce moment est dans la chambre de Mademoiselle Stangerson? Eh bien, il y a son père, le professeur, il y a le docteur, et puis ce monsieur-là, comment vous l'appelez? Monsieur Darzac. C'est ça, monsieur Darzac. Et puis il y a aussi monsieur de Marquet et le greffier monsieur Malène. Ça fait vraiment beaucoup de monde dans la chambre de quelqu'un qui était mourant il y a une heure, ça. Raison de plus pour pas en rajouter. Je suis désolé, mais qu'est-ce que vous voulez pour un gendarme? La consigne, c'est la consigne? C'est sûr. C'est certain. Bien. Bien, bien. Je vous en prie, monsieur Darzac, permettez. Êtes-vous assez vaillante, mademoiselle Stangerson, pour nous donner quelques détails sur cet affreux attentat? Je me sens beaucoup mieux. Parfait. Malène, prenez note. Naturellement, monsieur le juge. Puis-je me permettre de prendre votre place, monsieur Darzac? Je vous en prie, monsieur. Parfait. Je vous remercie. Bien, pardon. Voilà. Ainsi, mademoiselle, vous n'aurez pas à forcer la voix, voyez-vous? Docteur, voulez-vous passer dans la pièce à côté avec monsieur Darzac? Un interrogatoire judiciaire doit rester parfaitement confidentiel. Bien sûr. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bien sûr. Allez, allez, Robert. J'ai tellement hâte d'en avoir fini. Bien, bien, bien. Docteur, je vous suis. Bien. Mademoiselle Stangerson, remettez-vous en mémoire tout ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce que je sais. Quand je suis entrée dans ma chambre, je n'ai rien aperçu d'anormal. Enfin, rien qui aurait pu éveiller mes soupçons. Si vous m'y autorisez, je préfère poser des questions afin de vous dispenser d'un fatigant récit. Le juge a raison, ma chérie. Bien. Je vous écoute, monsieur. Je voudrais que vous me donniez votre emploi du temps le jour où l'on vous a lâchement agressé. C'est-à-dire que je voudrais des indications extrêmement précises. J'ai besoin de suivre tous vos gestes ce jour-là, mademoiselle. Je vais faire de mon mieux, mais... Bien, je me suis levée tard. Oui. Car mon père et moi étions rentrés dans la nuit à cause d'une réception donnée à l'Élysée en l'honneur des membres de l'Académie des sciences. Je suis sortie de ma chambre vers 10h30. Mon père était déjà occupé dans le laboratoire et nous avons travaillé ensemble jusqu'à midi. Oui. Ensuite, nous avons fait tous les deux une petite promenade dans le parc, comme tous les jours, avant et après déjeuner. Vous avez déjeuné? Au laboratoire? Non. Non, nous sommes venus ici, au château. Notre emploi du temps a été le même que celui des autres jours, mais après la promenade, dans le parc, nous sommes retournés au laboratoire. Et nous nous sommes remis au travail. Jusqu'à quelle heure? Oh, vers les 5h. Nous avons quitté les pavillons et nous sommes allés prendre une tasse de thé au château. Ce jour-là, comme tous les autres? Oui, oui. Êtes-vous entrée dans votre chambre avant de sortir? Non. Non, j'ai simplement demandé à mon père d'aller me chercher un chapeau. À ce moment-là, vous n'avez rien remarqué de suspect? Absolument rien de suspect, monsieur le juge. En fait, il est presque certain que l'assassin n'était pas encore sous le lit à ce moment-là. Et mademoiselle, quand vous êtes partie, la porte de la chambre n'était pas fermée à clé? Non. Pour quelle raison aurions-nous fermé? Oui, bien sûr. L'absence de votre père ainsi que la vôtre a duré combien de temps? Je ne sais pas. Sans doute une heure, n'est-ce pas, père? Oui, oui, enfin, une heure à peu près. Et c'est pendant ces 60 minutes que l'assassin a pénétré dans le pavillon. Oui, mais comment? Et on l'ignore. On trouve dans le parc des traces de pas qui partent de la fenêtre du vestibule. On n'en trouve aucune qui y vienne. La fenêtre était-elle ouverte quand vous êtes sortie avec votre père? Je ne me souviens pas. Elle était fermée. Oui, merci. Et quand vous êtes revenue? Je n'ai pas fait attention. Elle était encore fermée, j'en suis sûr. Je me suis même dit, en parlant tout haut, le père Jacques aurait pu aérer pendant notre absence. Étrange. Étrange, étrange. Vous vous souvenez, professeur Stangerson, que le père Jacques nous a déclaré précisément que pendant votre absence et avant d'aller au château chercher une serpillière, il avait ouvert la fenêtre. C'est parfaitement exact. Pourtant, je suis formel. Elle était fermée quand nous sommes entrés. Ah, et professeur, si ce n'est vous, ni Mademoiselle Stangerson, ni le père Jacques, qui peut l'avoir fermée? Ah ben, bien sûr. Si nous le savions, mon enquête serait pratiquement terminée. Ah. Vous n'êtes pas trop fatigué, Mademoiselle Stangerson? Non, je vous en prie. Continuez, monsieur. Merci. Nous avons intérêt, n'est-ce pas, à trouver la solution. Bien. Vous êtes revenu vers 6 heures du soir et vous vous êtes remis au travail dans le laboratoire. En effet. Oui. Et vous, mademoiselle, vous n'avez plus quitté le laboratoire que pour entrer dans votre chambre afin d'y passer la nuit. Le travail était urgent, monsieur le juge. Il ne nous était pas possible de distraire une minute. Rien d'autre ne comptait. Mm-hmm. Vous avez dîné sur place? Pour les mêmes raisons. Ça vous arrive souvent? Non. Non, rarement. Uniquement dans le cas d'un travail urgent à finir. Donc ce soir-là, l'assassin ignorait que vous dîneriez au laboratoire? Sans doute. Sans doute, c'est en rentrant au pavillon que j'ai proposé à ma fille de dîner sur place. Je me souviens que le père Jacques est venu me prier de l'accompagner dans les bois pour décider ensemble d'une coupe d'arbres. Je lui ai dit que nous ferions ça le lendemain et je l'ai prié en passant par le château de prévenir Walter que nous dînerions au pavillon. Vous avez parlé au père Jacques environ combien de temps alors que vous étiez dehors? Oh, quelques minutes, tout au plus. Et puis j'ai rejoint ma fille, à qui j'avais donné la clé du pavillon. Elle avait ouvert la porte et laissé la clé dessus, à l'extérieur. Quand je suis arrivé, elle était déjà au travail. Oui. Mademoiselle, à quelle heure avez-vous pénétré dans votre chambre? Ouf, en gros, à minuit. Et est-ce que le père Jacques est entré dans votre chambre au cours de la soirée? Comme tous les soirs, pour fermer les volets et allumer ma veilleuse. Oui, enfin, il n'a rien remarqué de suspect. Je suppose qu'il nous l'aurait dit. Le père Jacques est un très brave homme, mais il nous aime beaucoup. Oui. Vous affirmez, monsieur le professeur, que le père Jacques, ensuite, n'a pas quitté le laboratoire. Ah, hein? Il est resté tout le temps avec vous. Je suis formel. Je suis formel. D'ailleurs, je n'ai aucun soupçon de ce côté. Le père Jacques se ferait tuer pour nous protéger, ma fille et moi. Enfin, Sinclair, cet interrogatoire est interminable. Qu'est-ce qu'il peut bien se raconter? Et pour le coup, ces messieurs de la justice sont en train de prendre une sérieuse avance sur nous. Mais ça me paraît bien naturel. Oui, gendarmes, confondez pas police et justice. Hein. Et investigation avec commérage. Vous devriez mettre en pratique la règle d'or de la police, mon La fait. Règle d'or? Oui, on l'appelle la grande muette. J'ai compris. Voilà. Bon, vous parliez, Sinclair, de l'avance qui est en train de prendre la justice. Oui. Et tout ça dépend de l'usage qu'elle va en faire. Cela dit, je voudrais vraiment savoir ce qui se raconte là-haut, moi. Mademoiselle Stangerson. Oui, monsieur le juge. Quand vous avez pénétré dans votre chambre, vous avez immédiatement fermé votre porte à clé et au verrou. C'est exact. Voilà un luxe de précaution bien étrange. Alors que vous saviez que votre père et votre vieux serviteur étaient là, vous ne le trouvez pas? Oui, c'est possible, en effet. Ne serait-ce pas plutôt parce que vous craigniez quelque chose? Monsieur le juge, mon père n'allait pas tarder à rentrer au château. Le père Jacques allait se coucher. Et puis, en effet, je craignais quelque chose. Vous suivez, madame? Mot pour mot, monsieur le juge. Je suis désolé d'abuser de votre fatigue, mais tout ceci est terriblement important. Aviez-vous l'habitude de vous enfermer tous les soirs? Non. Non, mais je vous l'ai dit, ce soir-là... Oui, ce soir-là, vos craintes ont été jusqu'à emprunter le revolver du père Jacques, sans le lui dire. Parce que je ne voulais effrayer personne. Et que mes craintes pouvaient être puériles, sans objet. Je ne souhaitais pas risquer d'être ridicule. Dites-nous tout de même quelles étaient ces craintes, mademoiselle. Vous savez que vous pouvez parler devant nous en toute liberté. Nous sommes là pour vous aider et pour vous protéger. Non, ma chérie, si tu crois savoir quelque chose, il faut que tu parles. Je t'en prie. Oh, c'est indéfinissable. Je suis sans doute stupide. Depuis quelques nuits, il me semblait entendre dans le parc et même hors du parc, autour du pavillon. Des bruits insolites. Quel genre de bruit? Oh, quelquefois, des pas, des craquements de branches. Tenez, la nuit qui a précédé l'attentat, je ne me suis pas couchée avant 3 heures du matin, puisque nous étions à la réception donnée par le président de la République. En rentrant, je me suis mise à la fenêtre et j'ai cru voir des ombres. Des ombres? Combien d'ombres? Deux. Deux ombres qui tournaient autour de l'étang. La lune est passée dans un nuage et quand elle a reparu, il n'y avait plus rien. Oui. D'ordinaire, à cette époque-ci de l'année, vous avez déjà réintégré votre chambre au glandier. Je ne me trompe pas. Vous ne vous trompez pas, monsieur le juge. Je passe tout l'hiver au château, le pavillon n'étant pas chauffé. Cette année, mon père devait terminer le résumé de ses travaux sur la dissociation de la matière en vue d'une communication que lui a demandé l'Académie des sciences. Oui. Je ne voulais pas qu'un ouvrage de cette importance, qui allait être terminé dans peu de jours, fût retardé par un changement dans mes habitudes et mon déménagement au château. Je suis donc restée un peu plus longtemps que prévu dans la chambre jaune. Oh, malgré vos craintes, vos appréhensions? Mais je n'ai pas voulu distraire mon père de ses travaux à cause de frayeurs futiles. Et je n'ai pas pris sur moi de mettre le père Jacques au courant, car s'il est le meilleur et le plus dévoué des hommes, il est aussi plus bavard qu'une pie. Il n'aurait jamais pu tenir sa langue. Sûrement par affection pour moi, dans le souci de me protéger. Le revolver. Ah. Je savais que le père Jacques avait un revolver dans le tiroir de la table de nuit au grenier. J'ai profité d'un moment de la journée où il s'est absenté pour monter rapidement prendre l'arme et la glisser dans ma propre table de nuit. Une question bête et rituelle. Vous connaissez-vous des ennemis? Aucun. Mais pourtant, toutes les précautions dont vous n'avez pas manqué de vous entourer ont de quoi surprendre. Monsieur de Marquet n'a pas tort, ma chérie. Pourquoi la serrure, le verrou, le revolver? Tout simplement parce que depuis de nuit, je n'étais pas tranquille. Vraisemblablement sans raison, mais j'ai agi un peu pour me rassurer. Si tu nous en avais parlé, nous aurions évité ce malheur. Tu es impardonnable, ma chérie. Reprenons votre emploi du temps, mademoiselle. Une fois la porte de la chambre jaune fermée, vous vous couchez immédiatement? Oui. En général, nous avons de longues journées de travail et je suis fatiguée. Alors je dors tout de suite. Avec la veilleuse allumée? Avec la veilleuse allumée. Mais elle ne répand qu'une très faible clarté. Bien. Alors maintenant, dites-nous ce qui est arrivé. Il m'est impossible de préciser si j'étais endormie depuis longtemps. Mais je me suis réveillée en sursaut. Je ne sais pourquoi, j'ai poussé un cri. Ah oui? Ah oui, un cri horrible, affreux. Tu as crié à l'assassin, je l'ai encore dans les oreilles. Et pourquoi avoir poussé ce cri? Un homme était dans la chambre. Il s'était rué sur moi, me serrait la gorge et essayait de m'étrangler. J'étais à bout de souffle. Le tiroir de la table de nuit était entrouvert. Et tout en continuant de lutter, je parvins à saisir le revolver du père Jacques. À peine le temps de l'armer, que l'homme m'avait précipité au bas du lit et brandissait au-dessus de ma tête une sorte de masse. Alors? J'ai l'impression d'avoir tiré un centième de seconde avant d'avoir été touchée. Un coup terrible sur la tête. Oui, ensuite? Tout a été plus rapide que je ne saurais le dire, monsieur le juge. Je ne sais plus rien. Oh, comment plus rien? Vous n'avez même pas la plus petite idée de la façon dont s'y est pris votre agresseur pour quitter la chambre jaune? Non, pas la moindre idée. D'autant que j'étais sans conscience, comme morte. Oui, enfin, l'homme était grand ou petit? Oh, je n'ai vu qu'une ombre. Et elle m'a semblé énorme, monstrueuse. Mais vous savez comme moi que la peur déforme les faits. Vous ne pouvez me donner aucune indication. Les faits sont simples, monsieur le juge. Un homme se jette sur moi, je tire, il m'assomme, je ne sais rien de plus. Oui? Je suis désolé de vous interrompre, monsieur le Marquet, mais votre interrogatoire se prolonge au-delà de ce que mademoiselle Stangerson peut supporter. C'est tout à fait mon avis, docteur. D'ailleurs, j'ai terminé. Je vous rends votre malade en lui souhaitant de se rétablir bien vite. Mademoiselle, merci. Et pardon. Je peux l'avoir quelques secondes? Docteur? Oui, monsieur. Bon, le docteur est d'accord, entrez, monsieur Darzac. Mais surtout, ne l'interrogez pas. Allez, Malène, en route. Je vous suis, monsieur. Vous avez bien fait noter, Malène? Absolument tout, monsieur le juge. Puis-je me permettre? Oui, évidemment, Malène, évidemment. Et je trouve cette histoire curieuse, pas vous? Vous me l'avez ôté de la bouche. Mais pourquoi n'a-t-elle rien dit? Peur. Ma fille avait peur et je ne le savais pas. Et le pire, c'est qu'elle a failli mourir. Enfin, les voilà, c'est pas trop tôt. Ça fait au moins une heure qu'ils sont là-haut. Mathilde, ma chérie, vous avez l'air épuisée. Hélas, on ne pouvait éviter cet interrogatoire. Robert, quel supplice. Oui, reposez-vous, ma chérie. Soyez calme, je vous en prie. Je ne suis pas loin et je reviens près de vous dès que c'est possible. Oui, merci. De ne pas m'en vouloir. Bon, alors vous avez pu assister à l'entretien ? Non, mais j'étais dans la pièce voisine et j'ai tout entendu. J'ai même pris quelques notes pour vous. Oh, vous êtes génial. Oh. Allons-nous faire un tour ? Mais faire un tour ? Enfin, vous ne vouliez pas demander à... Mais si, c'est exactement ce que je voulais. Darzac a des choses à nous dire. Ah. Nous vous suivons, monsieur Darzac. Alors, qui assistait à l'interrogatoire ? Le professeur et le greffier. C'est juste, nous avons vu le docteur sortir. Quand il est revenu, vous descendiez ensemble, en plus. Vous êtes sûr d'avoir tout retenu, mon cher Darzac? J'ai une excellente mémoire. Je ne peux pas vous garantir un mot à mot, mais presque. Bon, alors, De Marquet a d'abord demandé à Mathilde son emploi du temps très précis de la journée qui a précédé l'attentat. Mais, pardonnez-moi, je vous le demande également. Oui. Elle avait accompagné son père à une réception donnée à l'Élysée. Elle s'est donc levée assez tard, dans la matinée, et elle commençait à être épuisée, la pauvre. D'autant plus qu'elle était dans la capacité de répondre au juge. Comment voulez-vous qu'elle lui dise comment était l'ombre alors qu'on l'attaquait, qu'on tentait de l'étrangler, qu'on la matraquait? Bien sûr. Tandis qu'elle réussissait à tirer sur son agresseur. Elle l'a vu monstrueux, énorme. Elle n'a rien pu ajouter. Alors le docteur est entré, et il a mis fin à l'entretien. Bon, donc, ni le professeur Stangerson ni sa fille n'ont vu la fenêtre du vestibule ouverte au cours de la journée, alors que le père Jacques, lui, l'avait ouverte et retrouvée fermée. C'est bien ça? Oui, c'est cela. Bon, ce jour-là, Mathilde Stangerson est donc sortie de sa chambre vers 10h30, disons, alors que son père était déjà dans le laboratoire. Ils ont travaillé. Vous m'arrêtez si je me trompe? Oui, bien sûr. Bon, ils ont travaillé jusqu'à midi. Promenade ensuite dans le parc, déjeuner au Glandier, repromenade dans le parc et retour au laboratoire. Oui. La femme de chambre, oui, ça c'est vrai, la femme de chambre vient de finir le ménage, travaille jusqu'à 17h environ, petite promenade dans le parc et ensuite tasse de thé. Nice cup of tea, comme on dit. Bon, retour au pavillon vers 6h, tandis que le père Jacques, lui, a mis de l'ordre dans le laboratoire. Bien. Devant le pavillon, le père et la fille rencontrent le garde. Mathilde entre seule dans le laboratoire et se met au travail, tandis que le professeur s'attarde quelques minutes avec le père Jacques. Bien. Il le charge d'aller prévenir la cuisine du château que sa fille et lui-même dîneront au pavillon. Et selon toute vraisemblance, personne ne comprendra. Bien, oui, merci, je termine. Le professeur rejoint sa fille. Elle, lui et le père Jacques, à son retour, n'ont donc plus quitté le pavillon. Oui, sauf pendant le moment où le garde est allé fermer les volets et allumer la veilleuse de la chambre jaune. Bien. Minuit, Mathilde Stangerson va se coucher. Elle s'endort. Reconstitution parfaite. Minuit 30, elle hurle. Tout est correct. Votre synthèse des faits me semble sans défaut. Est-ce que je peux donner mon avis? Mais bien sûr, voyons, mon cher. Ah. Eh bien, j'ai l'impression que cet interrogatoire ne fait pas progresser l'enquête d'un centimètre. Ah, il le ferait même plutôt reculer. Ah, c'est votre avis? Tiens. Eh bien, moi, je pense au contraire que cet interrogatoire éclaire singulièrement le problème. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Aujourd'hui, sixième épisode, avec Rouletabille, Philippe Nico, Sinclair, Philippe de Rez, Malène, Yves Penaud, Demarquet, Roger Carrel, Darzac, Michel Rull, Mathilde Stangerson, Evelyne Selena, le professeur Stangerson, André Valmy, le père Jacques, André Weber, Walter, Jacques Cornet, le gendarme, Christian Zanetti. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 8 août 1983. En 1993, l'écrivain José Cabanis livrait sur France Culture la biographie non de Gaston Leroux mais de Rouletabille, personnage qui méritait bien sa propre biographie. Mais en ce qui concerne Rouletabille, on peut quand même esquisser sa biographie, qui est assez intéressante justement du point de vue du destin d'un personnage de roman. Ce qui est de curieux chez Rouletabille, c'est que dans le mystère de la chambre jaune et dans Le parfum d'un amant noir, c'est un garçon très jeune, c'est un reporter d'abord. Tout de suite, on pense d'ailleurs que c'est un peu l'ancêtre de Tintin, qui lui aussi était un jeune reporter et qui lui a eu la bonne chance ou l'intelligence de ne pas vieillir. Alors Rouletabille est quelqu'un qui est né en 1874, qui était par conséquent de la génération un peu moins âgée que Gide et que Claudel. Et lorsque la chambre jaune se passe, cette énigme se pose à lui, il a 18 ans. C'est donc un tout jeune homme. Quant à son nom, il y a quelque chose qu'on ignore un peu, c'est qu'il ne s'est pas toujours appelé Rouletabille. Au début de la publication de Mystère de la chambre jaune, il s'appelait Boitabille. Et ce nom, disait-on, était un surnom, puisqu'en réalité il s'appelait Joseph Joséphin. Il avait d'ailleurs une naissance très mystérieuse, inconnue, qui sera d'ailleurs le thème, si l'on peut dire, récurrent de tous les romans qui vont suivre. Mais son surnom de reporter, de journaliste, était donc Boitabille. On disait qu'on l'appelait comme ça parce qu'il avait une tête ronde comme un boulet, et qui venait d'une boîte à billes. Je ne peux pas le dire. Je suppose que c'est parce que les boules du billard, autrefois, étaient dans des boîtes. On les mettait à part quand on ne jouait pas, qui étaient des boîtes à billes. Enfin, on l'appelait donc Boitabille. Et puis, il faut savoir que Le mystère de la chambre jaune, donc le début des aventures de Rouletabille, a commencé à apparaître comme un supplément de l'illustration. L'illustration publiait des suppléments à chaque numéro. Tantôt c'était des pièces de théâtre, tantôt c'était des romans inédits. Et alors on a publié Rouletabille d'abord comme supplément à l'illustration. Et dès la seconde publication, c'est-à-dire en septembre 1907, si je me rappelle bien, il y a un monsieur dont le nom m'échappe, qui était journaliste, disait-il, sous le nom de Boitabille, et qui disait qu'on pouvait le confondre avec ce héros et qui demandait qu'on change son nom. Alors c'est à ce moment-là qu'on a changé le nom en Rouletabille, qui évoquait plutôt, évidemment, pour un lecteur, qui évoquait plutôt le globe-trotteur. Le presbytère n'a rien perdu de son charme. José Cabanis, le 23 août 1983, sur France Culture. Vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger cet épisode, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr, à la rubrique de l'émission. Demain, à la même heure, septième épisode.